Notre ami Benoît Lavoie d'Espace Soccer est arrivé en Russie. Le chanceux, il va assister au quart de finale et la demi-finale ainsi que la finale de la Coupe du Monde de Soccer. On devrait lui parler plus tard dans la semaine. Quoi qu'il en soit, on va parler maintenant avec notre autre spécialiste de soccer. Et, il nous fait la gentillesse d'analyser avec nous ces quarts de finale. C'est Jean Gounel du Réseau des Sports. Bonjour, M. Gounel. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Vous n'avez vu plusieurs de la Coupe du Monde de soccer. En fait, le spectacle, est-ce qu'on peut dire que c'est une des meilleures? Ah, c'est oui. Hein? C'est enlevé, c'est agréable, c'est plaisant. C'est malgré tout très ouvert. Même dans le jeu, on a des matchs qui s'ouvrent d'un seul coup et bon, à quelques exceptions près, bon, relativement peu d'équipes qui refusent de jouer. Hey, c'est incroyable. Puis on a des spectacles. On a vu Argentine contre la France, le Japon contre la Belgique. Le Japon qui menait deux, qui se sont fait remonter par la Belgique. Et il me semble qu'on voyait pas ça dans les autres Coupes du Monde. Est-ce que je me trompe? Non, effectivement, ça arrivait très rarement. Et oui, au niveau du suspense, au niveau de ce qui est offert, je dirais, au niveau des émotions, on a certainement une Coupe du Monde exceptionnelle à ce niveau-là. OK. Si on y allait maintenant avec les quarts de finale, Uruguay-France, ça commence demain. La France, écoute, qui sont vraiment, qui jouent vraiment un peu potentiel, ils vont affronter une équipe que l'Uruguay, que c'est quand même, ce sera pas facile pour la France. M. Gounel? Oui. Oui, l'Uruguay contre la France. Ils vont assister demain à la première quart de finale. La France qui joue du bon foot. Par contre, du coup, ce ne sera pas facile contre l'Uruguay. Ah non, certainement pas. C'est sûr que la France a trouvé un système de fonctionnement qui lui allait assez bien contre l'Argentine. Assez rapide. Ils ont su utiliser l'arme de la contre-attaque quand il fallait. Ils ont eu un bon dispositif pour gêner le plus possible le danger que représentait Lionel Messi. Maintenant, c'est un tout autre adversaire, au sens où la défense, ouais, parce que c'est la force de cette équipe, hein, c'est probablement l'une des organisations défensives les plus solides de la Coupe du Monde et les mieux rodées. Ce sera pas du tout la même chose pour les Français que face à l'Argentine, qui avait une défense qui était du beurre, hein, par moment. Quand on voit la facilité, et je veux rien enlever du tout à ce qu'il a fait, mais la facilité avec laquelle Mbappé, par exemple, est passé au travers, ce sera absolument pas la même chose contre l'Uruguay. OK. Donc, vous pouvez voir quand même la France? Wow, celui-là, il sera dur. Oui, parce que y a un gros point d'interrogation dans ce match-là, c'est la disponibilité ou non de Cavani côté uruguayen. Okay. C'est sûr qu'avec lui, le danger il est multiplié par trois, je dirais, parce qu'il y a lui, il y a Suarez et puis il y a les deux ensemble avec éventuellement du soutien. Mais c'est sûr que son absence, elle ferait très très mal à l'Uruguay. La France contre l'Argentine, il y a eu des moments où on s'est posé des questions défensivement. Hein. Quand l'Argentine a mené 2-1, il y a eu un petit moment de flottement qui a été tout de suite évacué parce que les Français ont égalisé très vite. Mais il ne faudrait pas que ça se reproduise, ni que ça dure, si jamais ça se reproduisait. Sur l'ensemble, je pense que la France a les moyens, probablement, de passer la défense uruguayenne. Ce sera extrêmement compliqué. Je ne suis vraiment pas surpris qu'il aille assez loin, ce match-là. OK. L'autre demi-finale, le quart de finale, Brésil-Belgique. Je pense que c'est le match que Benoît va citer d'ailleurs. Le Brésil qui a beaucoup du côté. On marque pas beaucoup de buts contre le Brésil. Par contre, le Belgique, c'est une équipe qui a quand même un très très beau jeu d'ensemble. Oui, alors, d'abord, il est extrêmement chanceux d'assister à ça. Ouais. Sur le papier, à première vue de ce qu'on a vu, c'est peut-être le quart qui va nous donner plus d'étincelles. Maintenant, bon, on ne sait jamais. C'est sûr que le Brésil a montré quelque chose de plus défensivement. On les sent bien mieux qu'ils ont été depuis très très longtemps. En fait, depuis que Tite est sélectionneur, c'est une équipe qui s'est renforcée défensivement, même si lui, il préfère un jeu d'attaque. C'est pas mal. attaque par une très bonne défense. On l'a vu dans le début du match contre le Mexique, où le Brésil avait carrément la consigne de laisser le Mexique venir pendant les 15-20 premières minutes, de contrer, et puis petit à petit de prendre le contrôle du match. Donc c'est une progression qui est extrêmement logique, prévue, que le Brésil ait réussi, parce qu'une très bonne équipe, mettre en place et exécuter son plan de match, parce que c'est quelque chose de très cool à la base. Ouais. La façon dont ils l'ont fait, ça m'a impressionné, parce que prévoir quelque chose, c'est très bien, le mettre à exécution au moment voulu, c'est pas mal plus dur. Et là, on a vu un Brésil qui peu à peu prenait vraiment ses aises dans le match, on commence à dominer. On a vu des performances individuelles, à Julian par exemple, qui était nettement meilleur que ce qu'on a vu avant. Bon, il y avait toujours le cas de Neymar, ça va être à des éléments de discussion qui vont durer autant au moins que le Brésil sera dans le tournoi. Mais en dehors de ça, c'est-à-dire le talent il est là, à tout niveau. Hein. Le problème pour le Brésil, ça va être l'absence de Casemiro en milieu de terrain qui est suspendu pour le match. Donc il va falloir trouver un dispositif parce qu'en face, il y a une équipe qui joue très très très bien. Quand elle est bien assise dans son match, quand elle est bien organisée, elle est très difficile. Ça peut jouer vite. Il y a beaucoup de variété dans les attaques. Des joueurs qui, j'allais dire qu'ils sont en confiance, c'est plus que ça, qu'ils sont remontés vraiment parce que on voit leur réaction à 2-0 contre le Japon. Il y a beaucoup d'équipes qui se seraient écroulées complètement. Okay. Hein. Là, ils se sont repris. Bon, il y a eu des changements qui ont été extrêmement intelligents et qui ont vraiment transformé le match. Mais il y a une attitude dans l'équipe qui est exemplaire. Hein. Il y a beaucoup d'équipes qui se seraient complètement écroulées à ce moment-là. OK. Angleterre-Suède, ça risque d'être bon. La Suède qui... lorsqu'on parle de nouvelles puissances, la Suède s'en est une. Face à une équipe, l'Angleterre, que ça a toujours été une énigme sur la scène internationale, c'est eux qui ont quand même le meilleur, l'un des meilleurs circuits de foot dans le monde avec l'Euroleague. Pas l'Euroleague, mais la première ligue. Et là, finalement, ils vont affronter la Suède qui, eux autres, la Suède, leur plan de match, c'est quoi? C'est d'être prudent, de pas faire d'erreur et c'est de même que ça marche? Oui, on l'a vu leur plan de match. Hein. Il suffit de regarder le match contre l'Allemagne, en partie contre le Mexique, même si c'était des conditions un petit peu différentes. Je pense que l'Allemagne est un assez bon repère. Pareil, parce que là, d'un seul coup, on se réveille un peu, mais il fallait voir les deux matchs qu'ils ont fait en éliminatoire contre l'Italie, parce que le bleu de travail, il était là, hein, sur ce match-là. C'est une équipe très compacte c'est une équipe qui, assurément, est bâtie pour bien défendre avant tout. Donc là-dessus, il n'y a pas de surprise. Elle est capable d'être très regroupée. Elle est capable de jouer même très très bas, donc de bloquer beaucoup d'opportunités et de jouer des contre-attaques avec quelques joueurs doués. Ils vont récupérer Larsson qui était suspendu contre la Suisse et ça leur donne un petit plus au niveau de la contre-attaque parce que c'est un très bon distributeur de jeu de long ballon, donc ça correspond très bien à un jeu de contre-attaque. Pour l'Angleterre, wow. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parce qu'il y a Harry Kane, c'est sûr. Hein, il est là pour l'instant. Il les sort un peu de situations un peu compliquées et pénibles. Hein, simplement, parce que je vois de l'Angleterre, c'est qu'il y a beaucoup ça bouge beaucoup, mais pourquoi? Parce que on voit que ça grouille autour de Kane, hein, Sterling, Dele Alli, Lingard, mais il n'y a rien de véritablement construit. Et l'Angleterre, pour l'instant, n'a pas marqué de but sur des attaques placées, des attaques construites. Hein, sont sur balles arrêtées, des pénalties, bien sûr. Alors ça va être un élément du match, parce qu'il va y avoir tellement de duels dans les deux surfaces, parce qu'on a c'est costaud, on a des équipes qui vont vouloir dominer dans ce domaine-là, et on risque d'avoir beaucoup de duels, donc beaucoup de situations confuses dans les surfaces, ça il faudra le surveiller. Ok, et le dernier match, Russie contre Croatie, la Russie, le fait qu'ils sont chez eux, ça peut les aider ça? ça peut les aider, le fait qu'ils sont dans une dynamique complètement hallucinante. Mm. Personne ne les voyait sortir sortir gagnant contre l'Espagne. Bon, l'Espagne s'est mis elle-même dans une situation complètement absurde, mais personne ne les voyait quand même contre une mauvaise Espagne. Mm. C'était pas mal dur. Mais là, ils ont, bon, là aussi, plan de match. Oui, alors ils ont défendu pendant tout le match parce que Tcherchesov, leur sélectionneur, il l'a bien dit. Il a dit, regarde, moi je fais avec ce que j'ai. Mon but, c'est d'essayer de battre l'Espagne. J'ai fait comme je pouvais, avec les joueurs que je pouvais. C'est sûr qu'on n'allait pas voir la Russie sortir, essayer de jouer des jeux d'attaque rapides parce que là, ils se faisaient démolir. Donc, c'est le plan de match qu'il a adopté face aux Espagnols. Ce sera peut-être un peu différent, je pense, contre la Croatie. Je pense que l'idée au départ, ça va être ça, tenir bien derrière. Et puis, parce qu'ils ont beaucoup de bons joueurs rapides au milieu, les Russes sont capables de sortir aussi sur des attaques rapides. Maintenant, je crois que la clé du match, ça va être sur la qualité du milieu croate, qui est l'un des meilleurs. L'un des 3 ou 4 meilleurs de la Coupe du Monde, il n'y a rien à dire. Modric, Rakitic et selon les cas, le troisième qui va mettre au milieu. Ils se sont mis dans le trouble même hein, contre le Danemark parce qu'ils étaient, ils avaient les moyens d'être nettement supérieurs, les Croates. Et j'espère que pour eux, ça va leur servir de leçon parce qu'ils ont vraiment, eux, les moyens. Ils doivent être considérés comme favoris dans ce match-là. Ok. Bon, ça devrait être. Il y a une grosse nouvelle qu'on attend, Monsieur Gounel. France Football, vous devez sûrement être au courant. France Football qui a lancé une dépêche il y a environ 2 heures. On dit que Cristiano Ronaldo pourrait être présenté samedi avec le Juventus. Évidemment, c'est la saison du mercato. Est-ce que vous y croyez? C'est pas impossible. Hein. Depuis la finale de la Ligue des Champions, on sait qu'il y avait, et même avant, mais il y a eu clairement quelque chose qui s'est passé après la finale des Ligue des Champions. Il y a eu cette histoire de messages sur les réseaux sociaux où il a un petit peu laissé entendre qu'il partirait, ou en tout cas qu'il y avait quelque chose qui se préparait. La destination est un peu surprenante parce que beaucoup. Ouais, beaucoup le voyaient revenir en Angleterre. D'autres disaient que Cristiano Ronaldo, pour le genre de transfert et de club qui est susceptible et capable d'aller le chercher, ce serait plutôt à Paris éventuellement. C'est vrai que la piste Juventus, c'était peut-être pas la plus active et celle sur laquelle on se rabattait. C'est un joli coup pour la Juventus, hein, c'est sûr. Ils rentrent bien, je pense qu'ils rentrent bien dans leur système de jeu. Je pense que la Juventus s'en est rendu compte cette année en Ligue des Champions, hein, parce que il fait un match contre eux assez remarquable. Et c'est un plus évident pour eux. C'est un peu surprenant, c'est vrai. OK. Donc, on s'attend évidemment à de bons matchs. Monsieur Gounel, on s'en parle mercredi prochain? Oui, mercredi prochain. Ou jeudi, quelque chose de... Ouais, plus jeudi, peut-être. Des demi-finales, oui, peut-être Jean Gounel, du Réseau des Sports.